de sarcasme pour s'en prendre au pouvoir, et il y avait quelque chose de très très festif. Hein. Tout d'un coup, les Ukrainiens découvraient un peu leur propre force, leur propre repartaient à la conquête de leur racine, de leur identité. Et puis ils exprimaient pour la première fois leur volonté de se tourner vers l'Europe. C'était les débuts du moment enfin, où ils ont commencé à formuler cet espoir, cette envie. Et donc la vague qui a entraîné la chute du communisme, alors a balayé toute l'Europe. Hein, et puis alors on a vu que les premiers pays à se tourner vers l'Europe, c'était la Pologne, c'était la Roumanie, c'était la République tchèque ou la Slovaquie. Et puis on peut dire l'Ukraine était restée un peu derrière, quoi. Elle était et le réveil a été un petit peu plus tardif, mais il en était quand même tout autant réel. Alors justement, que nous enseignent ces événements de 2004 par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Alors je sais qu'il y a une autre date importante et on va y revenir, celle de 2013. Hein, mais restons sur le pont entre 2004 et ce qui se passe aujourd'hui. Ben écoutez, il y a une continuité directe hein, entre les événements de 2004. Donc, je vous le disais, la preuve, c'était le début de ce mouvement qui a conduit l'Ukraine à se tourner vers l'Europe et à demander son rattachement, son rapprochement à la fois économique mais aussi politique, enfin et puis juridique. Enfin, ils voulaient aussi adopter un modèle de société à l'européenne. Mmh. Et bon, ce mouvement n'a cessé de s'amplifier. Hein. L'Ukraine a fait des pas de géant, on peut dire, en direction de l'Europe. Et puis les événements d'aujourd'hui, leur sens est très très très simple. Hein. C'est Poutine qui dit non, qui ne veut pas que ce mouvement se poursuive, et donc il essaye de mettre un terme. Il a essayé de le faire par la pression économique, par la pression militaire, et maintenant il le fait par la guerre. Alors on va écouter une archive ensemble qui date de 2013. J'avais dit il y a deux dates importantes, il y a 2004, 2013 puis 2014 évidemment avec la Crimée, enfin 10 années après la révolution orange de 2004, mais plus de 25 ans avant la guerre actuelle. Donc retour à Maïdan avec cette nouvelle crise politique, ce nouveau soulèvement, cette répression, la guerre jusqu'à l'annexion de la Crimée. On va écouter une archive et on va voir. Ça fait un peu froid dans le dos ce qu'on entend. France Inter. Cette fois, la messe semble dite. Vladimir Poutine a donc signé en début d'après-midi avec les nouveaux dirigeants de l'ex-province ukrainienne le traité intégrant la Crimée à la Russie. Juste avant, l'homme fort de Moscou avait pris solennellement la parole devant les deux chambres russes réunies. Chers collègues, la Crimée a toujours été et reste, en toute âme et conscience, de tous, une partie de la Russie. Cette conviction s'est transmise de génération en génération. Le temps, les circonstances n'ont pas pu l'étioler, les difficultés de notre peuple au cours du XXe siècle n'ont pas pu éteindre cette conviction. Nos relations ont toujours été, le sont et le seront toujours. Ces relations avec le peuple ukrainien seront des relations de frère à frère. Vladimir Poutine qui a promis également d'en rester là et de ne pas scinder l'Ukraine. Voilà, quand je dis des propos qui font froid dans le dos, je mets en avant évidemment la difficulté que nous avons à croire la parole de Poutine. C'est terrible. Il dit nos relations seront comme entre frères et frères. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est saisissant, non? Oui, tout à fait. En fait, c'est un peu difficile de commenter dans le contexte actuel, parce qu'effectivement, là, on est devant un déchaînement de violence absolument terrible. Enfin, en ce moment. Voilà, à la minute où on se parle, hein, la ville de Kiev est encerclée. C'est une ville qui a 3 ou 4 millions d'habitants. Et donc, on peut avoir toutes les inquiétudes sur la suite. Enfin, donc, oui, la parole de Vladimir Poutine ne vaut pas grand-chose, puisque bon, la Russie avait également promis de préserver l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Hein. Il faut se souvenir que tout de suite après l'indépendance de l'Ukraine, donc l'indépendance c'est en 1991, l'Ukraine avait hérité des armes nucléaires de l'URSS. Se retrouvait avec ses bombes. Et donc il y a eu une discussion diplomatique internationale, bon, chercher une solution pour pas que l'Ukraine reste une puissance nucléaire. Et donc l'Ukraine a accepté de rendre ses armes nucléaires en échange de garanties de sécurité qui ont été signées par les Anglais, les Américains et les Russes. En 1994, voilà, la Russie, qui avait d'ailleurs reconnu l'indépendance de l'Ukraine, a promis l'intégrité territoriale, le respect des frontières à l'Ukraine. Et puis, donc une première fois, cette promesse a été violée en 2014 avec l'annexion de la Crimée. Visiblement, ça n'a pas suffi à l'appétit de Vladimir Poutine. Il a dit voilà, que c'était la Crimée et rien d'autre, mais bon, je crois que ça vaut. Quoi. Évidemment, non, je crois qu'il ne faut pas du tout croire une seule parole de ce que dit Vladimir Poutine. Oui, effectivement. Alors, la liaison, techniquement, n'est pas bonne, et je ne voudrais pas que vos propos ne soient pas entendus. Donc, on va passer un disque, le temps d'essayer de rectifier cela, et puis qu'on puisse entendre tous vos propos, car ils sont évidemment intéressants. Donc, ne quittez pas surtout, hein, on se retrouve dans 3 minutes, après avoir écouté PR2B, Rayon Gamma. Minuit, soleil, tête sur la vitre, j'ai pas sommeil. La city dort depuis 6 mois. Tu sais vraiment n'importe quoi ce qu'on vit, dis-moi, minuit, Marseille. Je voudrais bien que la vie se réveille, qu'elle remplisse tout d'un feu grisant, qu'on n'entende que les pneus qui crissent, la vie reprend. Alors c'est comme ça, on faisait comment déjà? Sans les rayons gamma. Alors, si on changeait tout ça, je sais qu'on survivra comme les rayons gamma. Minuit, réveil, je deviens dingue, Paris bouteille. Titanic coule sur l'oreiller, et moi je me retiens encore une fois de pleurer. Minuit, pareil, que les chiens qui se la coulent belle. 18 carats sur le collier, et la même envie insoutenable de s'évader. Alors c'est comme ça, on faisait comment déjà, sans les rayons. Et nous retrouvons notre invité dans Affaires Sensibles, Alain Guilmoil, avec, j'espère, une liaison meilleure. M'entendez-vous ? Oui, je vous entends bien. Voilà, je vous entends beaucoup mieux. Bien, donc on a réussi à entendre quand même ce que vous nous avez dit en tendant l'oreille. Alors, vous connaissez la ligne éditoriale d'Affaires Sensibles. On parle des événements passés pour éclairer le présent. Mais la situation au présent, là, est tellement tendue, tellement forte et tellement grave qu'on va être, si vous le voulez bien, dans le présent maintenant, peut-être essayer de dessiner l'avenir. Que veut Poutine exactement ? Quels sont ses desseins, selon vous ? Alors écoutez, si on essaye de le résumer rapidement, ce qu'il veut, c'est une Ukraine qui soit dans l'orbite de la Russie. Oui. Donc il a voulu mettre fin à cet éloignement progressif de l'Ukraine, qui donc s'est éloigné de la Russie, et puis un fossé s'est petit à petit creusé, hein, depuis après l'annexion de la Crimée, et le pays se tournait de plus en plus vers l'Europe, exportait en direction de l'Europe, les touristes ukrainiens venaient en Europe, etc. Enfin, bon, on avait tout un mouvement comme ça, culturellement aussi un rapprochement avec les pays voisins, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, et petit à petit, l'Ukraine donc sortait de l'ancien bloc ex-soviétique. Et c'est à ça que Vladimir Poutine a voulu mettre un terme, en ramenant de dans le giron brutal l'Ukraine dans le giron de la Russie. Donc ce qu'on peut prévoir, c'est que enfin on comprend son projet, son plan, voilà, c'est de s'emparer du territoire et de mettre au pouvoir en Ukraine un gouvernement qui serait pro-russe. Alors ça ne donne pas raison à Poutine, parce que dès lors qu'on envahit un pays, on est en violation du droit international, bien sûr. Mais vous rappeliez que les armes nucléaires de l'URSS qui étaient en Ukraine, hein, du temps de l'URSS, avaient été rapatriées en Russie en échange de la part de la Russie d'une protection de l'Ukraine, certes. Mais cette même Ukraine a eu, comme vous le disiez également, le regard de plus en plus tourné vers l'Occident. On va dire l'Europe, l'OTAN. Est-ce que ça l'a pas fausser les pistes quand même? Il ne s'agit pas de donner raison ou tort à l'un ou l'autre, bien sûr, on n'est là que dans l'analyse. Oui, bien sûr, non. C'est-à-dire que ça a été le choix des Ukrainiens, mais un choix qui s'explique aussi par l'histoire. Hein. C'est-à-dire, il faut se rendre compte que les relations entre l'Ukraine et la Russie, bon, deux pays qui sont culturellement proches, mais qui sont en même temps différents, ces relations ont toujours été très compliquées et très difficiles. Et en fait, il y a toujours eu une volonté de domination de la part de la Russie, de son voisin ukrainien. Et cette domination s'est faite au prix d'un certain nombre de tragédies. Alors, pour n'en citer qu'une, en particulier en 1933, le régime bolchevique de l'époque a voulu collectiviser les terres, les fermes, l'agriculture, et donc a forcé les paysans à rejoindre des fermes collectives. Ce que les paysans à l'époque n'ont pas voulu faire, et les paysans ukrainiens en particulier, très attachés au modèle agricole traditionnel, aux fermes, l'ukrainien c'est un fermier, hein, traditionnellement. Mm-hmm. Et donc les bolcheviks ont alors entouré les villages dans les campagnes ukrainiennes et ont affamé confisquant toute la nourriture, ont affamé les paysans ukrainiens. Et ça, c'est un drame absolu qui a fait, entre 4 et 6 millions de morts. C'est un épisode qui est connu sous le nom de Golodomor, avec un H au début, enfin, pour ceux qui auraient envie d'en savoir plus. Mm-hmm. Donc, ça, c'est un épisode qui est complètement traumatique dans la mémoire ukrainienne. Ça explique que dès que les Ukrainiens ont pu s'éloigner de la Russie, ils avaient quand même de bonnes raisons de le faire et de vouloir se tourner vers d'autres partenaires et chercher la protection d'autres organisations comme l'OTAN. C'est-à-dire, bon, on parle de l'élargissement de l'OTAN, on en parle beaucoup ces jours-ci, mais il faut quand même rappeler que les Ukrainiens étaient d'abord les premiers demandeurs. Hein. C'est pas, il n'y avait pas une volonté de l'OTAN absolument de conquérir, de s'élargir. Et voilà, l'OTAN s'est élargi parce qu'il a cédé à la demande des pays d'Europe centrale qui tous ont une mémoire un peu traumatisée dans leur relation avec la Russie. L'Union soviétique, voilà, en fait. Y compris les Polonais, enfin, on peut dire ça, on pourrait détailler ça pour chacun des pays de la région. C'est-à-dire que c'est, à l'époque du communisme, pour ces pays-là, l'ennemi de mon ennemi était mon ami. Donc, en l'occurrence, les États-Unis. Et donc toujours le regard tourné vers les États-Unis. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Les États-Unis apparaissaient comme étant une puissance plus, disons, qui n'avait pas la même volonté de dominer, d'asservir, d'installer un modèle par la force. Comme l'ont connu les Ukrainiens en plusieurs reprises. Parce qu'on pourrait considérer, alors de façon un peu égoïste, malgré tout, en venant de l'Ouest, que la Biélorussie, la Moldavie et l'Ukraine, surtout, constituent une sorte de zone tampon entre ce qu'on pourrait rappeler maintenant, parce que ça nous rappelle un peu la guerre froide, l'Ouest et l'Est. Alors, bon, malheureusement, on n'en est plus là aujourd'hui, quoi. Mmh. C'est-à-dire, là, maintenant, on est rentré dans autre chose, hein. C'est, je veux dire, puisque, on a ouvert la porte aux Ukrainiens de l'Europe en signant avec eux un accord d'association déjà en 2014, c'est-à-dire après qu'ils aient fait la révolution, leur deuxième révolution, celle de 2013-2014, il y a quand même eu du côté des Européens, enfin un sentiment que bon, qu'il y avait un désir d'Europe chez eux et qu'il fallait y répondre. Oui. Et donc on a signé à l'époque un accord d'association, donc l'Ukraine est membre associé de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il n'a aucun droit politique, mais par contre, il est associé à l'espace économique européen. Il peut vendre ses marchandises dans l'espace européen sans payer de droits de douane. Les Ukrainiens ont le droit de voyager dans l'Union européenne sans visa pour une durée de 3 mois, pour des séjours inférieurs à 3 mois. Donc voilà, ils ont déjà conquis une certaine place, disons, au sein de l'Europe. Et ça fait déjà, bon, voilà, on parle de 2014, donc vous voyez, ça fait déjà 8 ans. Oui. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'il faudrait tout d'un coup revenir là-dessus? Parce que un État voisin, un État tiers l'exige. Oui. Un État tiers qui par ailleurs a déjà croqué un morceau de ce territoire, hein, la Crimée, et puis aussi a installé la guerre sur le territoire de cet État en soutenant une rébellion séparatiste dans l'est de l'Ukraine, dans le Donbass, qui a participé à dégrader le. Enfin, on a vu le rôle que ça a joué dans le déclenchement de la guerre actuelle, quoi. C'est là-dessus que Vladimir Poutine s'est appuyé pour remettre en question la légitimité des autorités de Kiev et puis déclencher cette invasion. Donc là, on comprend la résistance des Ukrainiens, pas forcément d'un point de vue technique, parce qu'on se dit que si l'armée ukrainienne n'est pas une petite armée, c'est quand même pas l'armée russe. Mais ce que vous expliquez, c'est qu'il y a une motivation terrible, incroyable des Ukrainiens de ne pas faire marche arrière, ne pas arrêter ce que vous venez de nous expliquer maintenant, la liberté de se déplacer en Europe, et puis ce pied dans l'Europe, ne serait-ce que moralement, pour l'instant. Donc, oui, je crois qu'il faut partir de là avant de, comment dire, avant de faire des analyses géopolitiques et en gros d'analyser le destin de l'Ukraine sans l'Ukraine, quoi. C'est ça. C'est-à-dire de dire bon, c'est un jeu entre blocs et entre grandes puissances, etc. Bon, ça compte bien sûr ce type d'analyse, hein, il faut pas l'écarter. Mais enfin, il me semble que il faut mettre les choses dans l'ordre. Il faut commencer par dire qu'est-ce que c'est que l'Ukraine aujourd'hui. L'Ukraine aujourd'hui, bon, c'est un pays dans lequel la population qui a longtemps été hésitante sur son destin, sur son avenir, aujourd'hui est très soudée, rassemblée autour de l'idée qu'elle doit, enfin qu'elle veut se rapprocher du modèle européen et qu'elle est prête à se battre pour ça, à se défendre. Enfin, quand on voit la mobilisation de ces jours-ci pour essayer de survivre, tout simplement. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, c'est sûr que l'armée ukrainienne n'est pas aussi bien équipée que l'armée russe, enfin loin de là, n'est pas aussi nombreuse. Mais enfin, elle se bat quand même chez elle pour défendre sa maison. Et on sait que une armée qui défend son territoire, ce qui est chez elle, a toujours beaucoup plus de motivation qu'une armée qui envahit un autre pays. Hein. On peut aussi douter de la motivation des soldats russes, parce que ils ont quand même une certaine familiarité avec l'Ukraine. C'est un pays qu'ils connaissent, dans lequel ils ont souvent de la famille, des amis, où ils sont venus en vacances. Enfin, et puis voilà. Et puis les Ukrainiens sont bilingues, ils parlent le russe, donc ils peuvent se parler. Vous voyez. Et donc pour eux, c'est presque comme tirer sur leurs semblables. Donc c'est aussi un peu compliqué pour les Russes de mener cette opération. Alors, bien sûr, si les choses continuent à s'aggraver, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, et je me garderai bien de faire des prévisions, parce que là, on est dans une montée de la crise encore, où on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Mais enfin, on peut en tout cas ne pas douter du fait que les Ukrainiens ont le sentiment qu'ils se battent dos au mur, et que donc, ils sont prêts à énormément de sacrifices et à faire le plus mal possible à l'armée russe, enfin, tant qu'ils le pourront, quoi. Ouais. Ça veut dire, ma dernière question, il reste vraiment quelques secondes, que Vladimir Poutine et son gouvernement et ses services secrets n'étaient peut-être pas assez informés, n'ont pas compris l'âme ukrainienne, ce qui pouvait se passer, leur capacité de résistance. Alors, sans doute oui, mais en fait, bon, ça pose beaucoup de questions sur le pouvoir russe lui-même. C'est-à-dire, est-ce que Vladimir Poutine écoute encore ses conseillers, écoute encore ses services, ou bien est-il complètement coupé de la réalité, ah oui. isolé dans une bulle, mmh. au point qu'il a pris cette décision seul et qu'il amène son propre pays vers un drame. Alain Guimol, c'est la fin de cet entretien. Merci infiniment. Nous continuerons dans Affaires Sensibles toute la semaine à faire œuvre de pédagogie, comme on l'a fait avec vous, et je retiens ce que vous dites, parler de cette affaire ukrainienne, c'est d'abord parler des Ukrainiens, effectivement. Merci, au revoir. Merci à vous, au revoir. C'est des Affaires Sensibles aujourd'hui, l'Ukraine, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Sofiane Aktib. À suivre, pop sur France Inter, évidemment, avec Antoine Decaune, c'est dans quelques secondes. Enfin, c'est juste après le flash.